sună, se iepiem la suni. Fix, vocal, fight, big fight, vocal. La première fois que j'ai vu ta vie, we're